Chapitre 19. Où l'on découvre que ce pauvre Théophraste est encore plus à plaindre que les événements du dernier chapitre n'ont pu le faire supposer. Nous n'étions pas au bout de nos peines, écrit Monsieur Le Camus, qui décidément m'apparaît comme un affreux égoïste. Cette phrase peint tout à fait l'état de son cœur, moins troublé par la douleur excessive qu'entraînait pour son ami la terrible opération que par les cris inharmoniques jaillis de sa bouche édentée. C'est dans de pareils moments, à des heures aussi exceptionnelles, quand des événements imprévus dérangent la quiétude coutumière des amis, que l'on pourrait croire les meilleurs, qu'il faut juger les gens. Voyez, monsieur Le Camus, il aimait Théophraste, puisqu'il lui eût donné sa bourse, mais il ne lui aurait pas sacrifié son repos. Il lui eût donné sa bourse parce que, jouissant d'une belle aisance, ce geste ne l'eût point dérangé, tandis que cela dérangeait les oreilles de monsieur Le Camus que Théophraste, pendant son opération, cria si fort. Je me sens, quant à moi, beaucoup moins d'estime pour monsieur Le Camus depuis qu'il a écrit en face de ce pauvre Théophraste, torturé sur son lit de sangles, « Nous n'étions pas au bout de nos peines. » Enfin, s'il fallait s'en dégoûter tout à fait, je crois bien que je n'aurais qu'à analyser subtilement, mais sûrement, la façon dont il nous rapporte le phénomène des cheveux. À un moment de l'opération, pendant la torture, qui durait beaucoup plus que l'histoire officielle de Cartouche n'eût pu le faire supposer, ce qui prouve, entre parenthèses, qu'il ne faut ajouter qu'une foi médiocre aux histoires officielles, Théophraste ne criait plus. Et cependant, on le torturait avec plus de cruauté que jamais, puisque quelques mots qui lui échappaient apprenaient à ceux qui l'entouraient qu'après lui avoir tenaillé au fer rougi les mamelles et le gras des bras, le bourreau versait dans les blessures vives du plomb fondu et de la poix résine. 36 ans plus tard, en 1757, on fit subir absolument le même supplice à Damien, procès de Damien, qui, de plus, fut écartelé. Théophraste, alors, ne criait plus. Mais on vit ses cheveux blanchir. Eh bien, si monsieur Le Camus a rapporté avec méchante humeur les cris insupportables poussés par Théophraste, il s'est quasi complu à décrire le blanchissement des cheveux. À le lire, on voit bien que ce blanchissement le dérange beaucoup moins que les cris, et cependant, il ne devait rien rester des cris après l'opération, tandis que les cheveux de monsieur Longuet étaient devenus blancs pour toujours. « Ils ont commencé à blanchir par les tempes, » dit monsieur Le Camus, « ce qui est naturel. Mais nous ne nous en aperçûmes que lorsque la moitié de la chevelure était déjà blanche. Ce phénomène capillaire est certainement le plus curieux auquel j'ai jamais assisté. Certes, on est toujours un peu étonné de trouver le lendemain matin une chevelure dorée sur la tête d'une femme que l'on a quittée brune la veille au soir. Mais dans ce cas, on se doute un peu de ce qui s'est passé. » Tandis que nous ne pouvions nous expliquer la transformation mystérieuse et visible de la couleur des cheveux de M. Longuet que par sa douleur, que nous ne voyions pas et que nous n'entendions plus. Cette ondulation blanche s'avançait avec la même certitude et la même aisance que la vague à l'heure de la marée. Tous les cheveux mirent 5 minutes à peu près à devenir blancs, à l'exception d'une mèche qui garda sa couleur châtain sur le front de M. Longuet, ce qui n'était point d'un aspect déplaisant. Cartouche avait cette mèche-là. Et voulez-vous que je vous donne encore le phénomène du ventre, d'après monsieur Le Camus? Vous y chercherez également en vain le moindre sentiment de pitié. C'est tout à fait incroyable. Je n'aurais jamais cru à autant de sécheresse d'âme chez monsieur Le Camus. Voici le phénomène du ventre. Le bourreau venait de couler de l'eau bouillante dans les oreilles de monsieur Longuet, et nous pensions que cette fois la torture que l'on faisait souffrir au malheureux touchait à sa fin, quand madame Longuet, qui depuis quelques instants ne cessait de pleurer, nous montra le ventre de son mari. Ce ventre se gonflait à vue d'œil, comme avaient blanchi les cheveux. Cependant, Théophraste ne faisait entendre le moindre cri. Bientôt, il fut nécessaire de déboutonner le gilet et le haut du pantalon, car tout le vêtement eut éclaté. Sous sa chemise, le ventre de monsieur Longuet dessinait un ballon qui, après avoir remué, resta immobile. Enfin, peu à peu, il diminua, et quand il fut revenu à un volume normal, monsieur de Lanox demanda au patient pourquoi son ventre avait pris cette forme insolite, et pourquoi il avait, lui, Théophraste, pendant le gonflement de ce ventre, conservé le plus parfait silence. Mon ami répondit qu'il aurait été bien embarrassé de parler, attendu qu'on lui avait mis un entonnoir dans la bouche, et que si son ventre avait ainsi gonflé, c'est qu'on avait versé dans cet entonnoir plusieurs seaux pleins d'eau, enfin, qu'il avait rendu cette eau sans plus de dommages. Monsieur de Lanox, un instant, se pencha si précipitamment sur le cœur de Théophraste que Madame Longuet crut à quelque issue fatale. Mais il résulta de la demande qui fut posée que Cartouche alors faisait le mort. Ses bourreaux et ses juges, et même les médecins, y furent trompés. On le laissa seul une heure, et il en profita pour glisser dans une fente de la muraille, contre laquelle il était appuyé, un billet qu'il avait écrit de son sang, avec une aiguille de bois, le matin même, dans son cachot de la tour Montgomery. C'était ce billet qui était le document, et sur une question que fit poser encore à ce propos M. Le Camus, on apprit que le document révélait bien l'existence de très réels et importants trésors. Je ferai encore remarquer au lecteur combien l'attitude de M. Le Camus en cette occurrence était indécente. La vie de Théophraste était en danger, et c'était encore les trésors qui le préoccupaient. Voulant même profiter de l'état de douloureuse hypnose dans lequel se trouvait M. Longuet, il tenta d'obtenir des renseignements complémentaires à cet égard. Mais M. de Lanox et Marceline elle-même mirent fin à cette scène regrettable, et M. Le Camus en fut pour sa rougeur et sa courte honte. M. Le Camus, dans la relation de ces sensationnels événements, n'était point tendre pour M. de Lanox. Après l'avoir porté au nu et nous l'avoir présenté comme le roi des théosophes, à seule fin de dégager sa responsabilité, il prend un malin plaisir à faire état de son trouble, de ses hésitations et de ses stupéfactions devant les phénomènes exceptionnels qui firent de cette opération psychique une opération historique semée des enseignements les plus hardis dans le domaine scientifique occulte. Tout ceci prouve bien que M. Le Camus était un âne prétentieux. Le charlatanisme lui en eût imposé, mais la simplicité et la sincérité de l'attitude de M. de Lanox lui répugnaient. Il pensait aussi que le rôle de cet homme extraordinaire se bornait à dire sur une certaine modalité de ton « Et maintenant, que fais-tu, Cartouche ?» Et il n'était pas éloigné de croire qu'il eût pu l'accomplir, tant il l'estimait banal, l'insensé. M. Longuet serait mort entre ses bras, dès la première minute, et Cartouche se promènerait encore dans le maintenant. Tout le travail astral de M. de Lanox échappait à M. Le Camus. Comment aurait-il pu, lui, dont les yeux étaient de chair, voir ce miracle psychique par lequel M. de Lanox rejetait Cartouche vers l'abîme et retenait Théophraste dans la vie? Au début du récit de l'opération, je m'étais promis de n'interrompre cet illustre et divin interrogatoire d'aucune réflexion personnelle. Mais vraiment, je suis sûr que tout le monde ici m'excusera et me pardonnera, car il est des moments où la bêtise et l'ignorance, irrésistiblement, nous arrachent des cris d'indignation. Ceci dit, je reviens vite, et avec quelle émotion attendrie, à ce pauvre Théophraste sur son lit de sangle, car ce qui lui est arrivé ne saurait compter au regard des malheurs qui l'attendent.